Ce beau sourire remplit mon cœur de joie. Tes photos et tous ces souvenirs m'attristent au plus profond de moi. Je ne pensais que rien ne pouvait un jour briser cette belle amitié. Mais la vie m'a bien fait comprendre que je ne pouvais te garder. Tu es là. Où es-tu passé? Tu resteras. Tu es dans mon cœur. Tu restes là. Juste à mes côtés. Tu savoir me contenir et apprendre à vivre sans toi. Tous ces moments de pur délire ne sont pas très loin derrière moi. Tu ne seras plus là pour m'écouter, plus de conseils, plus d'avis prononcés. Si tu m'entends là où tu es, je t'aime et puis repose en paix. Tu es là. Où es-tu passé? Tu resteras. Juste à mes côtés. Tu es là. Ah, oh yeah. Ah, oh yeah. Pas un seul jour sans me demander comment les choses se sont-elles déroulées. Aucun signe pour me prévenir, je n'ai rien vu venir. Qu'ai-je donc fait pour mériter cette mauvaise passe? D'où sont venues toutes ces angoisses? Pourquoi?